Ninguém levou. Onde o ar cheira a flores e as flores são espelho de quem eu sou. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Aceita agora a nossa vez. E quando acordares, eu quero lá estar. E faz perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu. E vais perceber que o céu que tu procuras sempre foi teu.

Anaïs Carreira, Nice, Portugal, France. Prince Touga. Tu te souviens quand on était gamin, partait au bled, c'était beau, c'était bien, on était tous pareils. On récolte ce qu'on cueille, on a beaucoup d'orgueil, on se retrouvera dans le cercueil, c'est là-bas qu'on va se recueillir. Merling. Cruz. Desliza. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Tradição do. Vamos todos dançar, virem bate o pé no chão. Com os braços no ar. Luís Manuel. Portugal, eu te peço, por favor, manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour, os bombos. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel. Le samedi 16 et le dimanche 17 septembre, au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veigne en tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Ça, non? Là, tu sais quoi? Là, pour moi, on n'est pas à La Réunion, on est à Dunkerque. Donc, on va essayer de voir un public de La Réunion. J'aimerais trop qu'elle m'aime. J'aimerais trop qu'elle m'aime. On va prier dans la gueule, hein, mais attention pour... Super public. Je le fais avec elle. Moi, perso, je l'ai, j'ai pas même été photo. Arc-en-ciel. Mas que horror, tu para bailar-se a meu lado tens que ser com... só de uma mulher. Pois quando chego à festa, todas querem o Zé. Mas também são abusado e convencido também. Tu para ficares do meu lado, tens que te portar bem. Ai, eu agarro-me a ela. Não, senhor. E dou a massa nela. Mas que horror, tu para bailar do meu lado, tens que ter comportado e ter muito juízo. Ai, eu atiro-me a ela. Não, senhor. E dou logo um esfrega nela. Et tes mains. pas vrai. Je n'ai connu qu'une histoire d'amour au fil de ma vie. Cet homme m'a promis de toujours, et puis cet enfoui. C'est la couleur de l'enfer quand les mensonges salissent tout. Je vais tout sombre sous la colère comme un cheval fou. Mais ce qui m'a sauvé, c'est de pouvoir possible. Arc-en-ciel. Moi, j'aime l'accordéon. Et toi? Moi, j'adore l'accordéon. Nous aimons l'accordéon. Chers auditeurs, Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Nous sommes le dimanche et puis c'est l'heure de se retrouver parce qu'il est 13h passé de 30 minutes. Voici donc, bien c'est le retour de l'accordéon comme tous les dimanches. Voilà donc, eh bien, la musique de l'accordéon, heureux de vous retrouver, tout simplement pour vous faire, danser, et puis ainsi, et vous faire oublier tous les soucis que vous avez, donc, tout simplement, vous faire danser partout. « Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente après-midi et puis on va donc eh bien continuer avec l'accordéon et on va faire un petit tour du côté de la valse viennoise. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer une excellente après-midi, tout simplement. Sans les filles de l'accordéon, Cusquisa, Murena, Ségural, Jopriva, on les joue encore tous les dimanches dans les palapapas. Albi et Pégurie, c'est le monde qu'ils ont fait chanter, ce n'est pas fini. Les plus belles valses musettes nous ont fait tourner la tête un jour. De danser et de se fiancer en croyant que l'on a trouvé enfin le grand amour. Toutes les valses musettes sont les filles de l'accordéon. Jean Bessard, Discoton, Huard et Ferrero ont donné leur lettre de noblesse à de pauvres pianos. Prud'homme et Garboni resteront les boîtes accordées en hier et d'aujourd'hui. Les plus belles valses musettes nous ont fait tourner la tête un jour. C'est si bon de danser. On ne les oubliera pas de sitôt. Vaché ou Colombo, Carrara et Marceau sont toujours les rois de l'accordéon dans le cœur de Margot. Aimable et Verschulane, Orneron, Oisola continue à faire danser la France avec ses refrains-là. Voilà, donc au cours de l'émission, on écoutera d'autres morceaux de valse viennoise. Et puis je vous laisse tout simplement avec le tango. Et puis juste après, ça sera le boléro. Thank you.

c'est celui de l'amour. C'est aussi ça. Voilà donc après le Fox, voici tout simplement eh bien, un retour avec un morceau de tango. Et puis juste après, on a fait un petit tour du côté de la Java. Voilà donc, eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. Thank you. Voilà donc maintenant je viens du côté des montagnards et puis juste après valse viennoise. C'est le chant du soir. Avec du côté du Tyrol. Demandait ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir. Quand on avait trouvé notre bon génie du montagnard. On aime son tout petit goût corsé qui nous fait un peu de bébé gayé. Oublie de nos soucis, change notre vie, notre bon vieux Génépi. C'est le chant du soir, où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir, quand on avait trouvé notre bon Génépi montagnard. Les fins de journée, après le boulot, fatigué, moral à zéro. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la saison, il y a toujours une occasion pour sortir son accordéon. Une liqueur de chez nous, c'est si bon, mais à consommer avec modération. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Génépi montagnard. On aime son tout petit goût corsé qui nous fait hâte de bébé gayé. Nos soucis changent notre vie, notre bon vieux Génépi. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Génépi montagnard. Soit l'heure, quelle que soit la saison, il y a toujours une occasion pour sortir son accordéon. Une liqueur de chez nous, c'est si bon, mais à consommer avec modération. C'est le chant du soir où tous les amis se demandaient ce que l'on pouvait boire. C'est le chant d'espoir quand on avait trouvé notre bon Génépi montagnard. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Thank you. voici la musette. Du côté du Portugal. We'll be right back. passe double. Et puis l'autre, ce sera la fiesta. La musique nous réunit jusqu'au bout de l'année.

après ce morceau, on ira faire du côté du Tyrol. We'll be right back. voilà, voici donc la valse tyrolienne. Thank you. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Plutôt un morceau, c'est le Fox. Et puis après, on ira faire un petit tour du côté de Passenoble. Après, il y aura la musette, la java, et puis ça s'affile au moins jusqu'à 16h avec, bien sûr, l'accordéon.

voici donc le pinceau et puis la musette. tant que la Java. Voici donc un morceau d'accordéon de l'Italie. Et puis après, on ira faire un petit tour du côté de la Musette. Thank you. Voici donc le style musette, et puis juste après, on a fait tour du côté de la rumba. Et puis juste après la rumba, ça sera le boléro. We'll be right back. le boléro et puis juste après la fiesta. Voici donc du passe-double. Et puis juste après, ce sera du Sirtaki. Et puis maintenant, un petit coucou à Monique, tout simplement parce qu'elle aime bien le passe-double. certes à qui je vous laisse avec du tango. Bon après-midi vous tous et à vous toutes. d'ici une dizaine de minutes, eh bien, l'émission touche à sa fin. La marche, et c'est la marche tyrolienne. Voilà, c'est avec musique qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver dimanche prochain à partir de 13h30 jusqu'à 16h pour la musette d'accordéon. Ainsi, on se retrouve mardi à partir de 13h30. Pour l'émission du mardi et ainsi du vendredi, pareil, à partir de 30h. Voilà donc, et bien, je vous dis bon sang à tous et à vous toutes. 3 horas.